Sammy. Tu fais de l'accordéon ? Oh putain, tu fais des skateboards en plus. Samuel Rioux. C'est ça Samuel Rioux, t'es bien ? Je m'abonne. Je m'abonne à toi. Ça fait comme j'y vois plus rien, la guitare. Ah bon, c'est ce qu'on va voir. Ah. Je suis en train d'essayer d'écouter un petit morceau. En utilisant le convertisseur, vous acceptez de ne pas télécharger du contenu protégé. C'est protégé ? Est-ce que tu t'es protégé ? Parce que si tu t'es pas protégé, on est mal, hein. Est-ce que tu es protégé ? Qu'est-ce que c'est que ça, alors ? Chut. Samuel, nous allons écouter ta chanson. Je vais essayer, mais ça avance. Il est où Samuel ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous m'entendez ? Samuel. Bonjour, Alain. Ah, elle s'est barrée, putain. Je voulais écouter sa chanson. Alors, un tout. Try to listen the song. On va écouter la chanson de Samuel. J'écoute la chanson de Samuel. Courbe sans concave et convexe, quand je te parle, tu me trouves cave et ça me vexe, fait que je me forme la gueule. Ton corps est un grand mystère que je dois déchiffrer. M'aimerais te remettre avec toi, j'ai bien de la misère. Et si je te touche,